Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, comédien, le plus beau métier du monde, une série de Julien Thèves réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a le Festival de Cannes, encore et toujours, et aussi les questions qui sont remontées à la surface avec l'affaire Weinstein. Et cette envie de dénouer les pelotes du désir, de l'envie d'être désiré, de l'envie d'être dirigé, de celle de se donner à un rôle, d'être une marionnette ou un corps pensant. Il y a aussi l'envie de questionner le pouvoir des producteurs sur les acteurs, et plus souvent les actrices, et celui, souhaité et craint, du démiurge qu'est le metteur en scène à qui l'on doit plaire. Et aussi l'envie de constater que chaque métier est tissé de rites et d'habitudes. Alors pour commencer, les personnages. Une comédienne qui ne dort pas, une autre qui a peur des mots, une actrice qui attend dans une malle, une ancienne du français, un comédien avant la scène, un autre en tournée, un acteur qui a le trac, un sociétaire qui chique son texte, une actrice du sérail et une autre qui a donné son premier baiser sur un plateau. Ensuite, le décor. Un studio hors du temps, des entrées en scène, des soirs de grâce, une chaise à porteur, de la pose, de l'intensité, des loges, des flacons d'huiles essentielles, un catogan, des choix forcément cornéliens, des rires perlés, des italiennes, des allemandes, l'œil de la caméra, du narcissisme, de l'inquiétude, de l'attente, de la superstition et des corps nus. Aujourd'hui, deuxième épisode, il pleut en studio. J'aime bien ça, ce moment dans les studios, où, parce qu'en fait, il n'y a pas de lumière du jour, et parfois, ils mettent les lumières nuit, les lumières jour, donc on est un peu comme des cobayes, des rats de laboratoire. Et on est très influencé par les changements de lumière, où, alors qu'il peut être 14h, et on se met en lumière nuit, et on bâille, on a l'impression d'être complètement ivre. Enfin, c'est très bizarre. Là, vous venez de terminer votre nuit, en fait. Voilà, exactement. La nuit va bientôt tomber. Voilà. Et quand vous sortirez, il fera nuit. Ouais. Et puis, je ne dormirai pas, puisque je travaille tellement intensément que je n'ai pas du tout envie de dormir en ce moment. Donc voilà. Mais... C'est difficile de en une phrase de dire parce que... Il arrive Là, il faut rentrer. Déjà, il faut là, rentrer. Il faut y aller. Il faut y aller, là. Il y a le avant, juste avant, et puis au moment où on rentre. Et au moment où on rentre... Il faut être là. Alors attention tout le monde. Et être là, c'est qui est là ? C'est l'acteur. Anne Alvaro. Avec tout ce qu'il a trimballé d'expérience, de répétition. L'acteur, c'est celui qui fait. Et voilà, ça se... C'est ensemble. Allez, go ! Il y a une phrase très très belle dans un poème de Pierre de Bauche qui, à la fin de son poème, dit « Les soirs de grâce, rentrés dans leur loge, l'acteur et le personnage se démaquillent en même temps. » Qu'est-ce que vous ferez ce soir quand vous sortirez du théâtre de la Porte Saint-Martin après la pièce? Peut-être prendre un verre avec mon ami Laure Calamy, que j'adore. Nicolas Maury. Qui joue aussi dans la pièce. Et dans 10% aussi. Mais souvent, quand je sors du théâtre, je cours, je fuis. Je dévale les escaliers, je rentre chez moi en courant. J'ai tellement peur. Pas pour vous cacher? Non, parce que j'ai peur. J'ai peur. Ouais, la peur, ça revient souvent dans les rencontres qu'on fait avec les comédiens. Je sais pas, j'ai peur d'une parole blessante, j'ai peur d'un truc. De la part du. Ouais, de gens, ouais, du public ou. Des autres en général. Ouais, de critiques, des choses comme ça. Donc. C'est tellement ça, quoi. Mais c'est les soirs de grâce. Les soirs de grâce. On rêve, on espère, on tente à chaque fois que ce soit un soir de grâce, bien sûr. Mais voilà, c'est la rencontre qui peut le faire, la rencontre du public avec... c'est Jouvet qui disait ça. Ça tient de la, je sais pas, de la construction d'un mobile dont on voit pas le fil qui est attaché, dont on voit pas la tâche. Mais on rêve que tout d'un coup le mobile existe. Ah, on voit pas d'où il vient, comment il est... À quoi il est suspendu? Non, il est pas suspendu, il est là. Ben, c'est ça, ce moment de grâce là, auquel on tend. Mais c'est... Le besoin de chanter avant d'entrer en scène. Parler de ce moment-là. En scène, jouer, c'est d'abord entrer. Une scansion, une mélodie, une mélopée en moi, oui, avant d'entrer. Et les différentes entrées, oui, il y a eu chaise roulante sur un plateau flottant dans une piscine, par exemple. Il y a eu arriver par les dessous dans une malle. Il y a eu arriver dans une chaise à porteur. Suite. Croce, delizia, delizia al cuore. Bon, voilà, c'est beau, quoi. Ça tient quand même l'exercice de l'acteur, ou l'art de l'acteur, ou le métier d'acteur, je saurais pas comment dire. Ça tient, du chercheur, du plongeur en apnée, de l'alpiniste, de l'entomologiste, du pionnier, du marin. Qui efface ton loin, nos larmes et nos chagrins, mon Dieu, les voyages comme vous fûtes sages, de nous donner ces images. La métaphore maritime, elle est excellente pour le théâtre. Ça, l'embarcation, l'équipage, la traversée, les découvertes de terres inconnues, et puis le mal de mer, et puis le scorbut, et puis à un moment tout le monde est malade. Il y a toujours ça en répétition. Toujours à un moment où il y a le danger d'une maladie. Attention, non, aujourd'hui on s'embrasse pas parce que tu sais, il y a des gastro, il y a ceci, il y a cela. On est quand même embarqués tous et il faut qu'on arrive sains et vivants à bon port. Et puis une fois qu'on a accosté, que c'est le jour de la première, on part on fait une exploration des terres, par exemple. Et là, il peut y avoir des sauvages, il peut y avoir des animaux, dangereux. Les voyages. on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça va bien? Est-ce qu'on peut avoir deux badges, monsieur Marot, s'il vous plaît? D'accord. Ah, loge d'artistes, de vedettes et de figurants. Loge de Vera au gymnase et la Porte Saint-Martin, avec miroir, table à phare et tout de même toujours ce côté paillasse de roulotte et de parade. Loge de Nilda à Fémina, qu'elle partageait avec une horrible femme qui se mettait nue pour un rien. Et cependant, ça faisait plutôt mal au cœur. Il y avait sur la table des boîtes à poudre, des crayons gras dont elle nous pria obligeamment de ne pas nous servir, craignant pour nous les pires contagions. Loge du Français, avec les étages porteurs de noms célèbres, les plus propres tout de même. Coulisses fantastiques comme une forêt de l'opéra. Ce monstre accroupi qui recèle dans ses flancs garnis de lampadaires Louis-Philippe, des kilomètres obscurs et traîtres de trappes, de poulies, de portes et de rideaux de fer, de gouffres et de charpentes, d'arbres, de maisons, de cieux, d'hommes, de cordons électriques qui subitement vous aveuglent, d'escaliers tournants et, sous les toits, ces ateliers de petites mains où l'on travaille à réparer les costumes, ces salles d'études où des enfants apprennent les pointes, et ce côté administratif d'huissier et de concierge, comme un ministère. Waouh, la loge! Essayez-vous, vous avez envie par rapport au son. Je ne sais pas comment reste. Ça, c'est qu'est-ce qui. Donc, ça, c'est ma loge. C'est des petites loges, mais elles sont très calmes parce qu'elles sont sur les colonnes de Buren. Laurent Stocker de la Comédie Française. Cette loge sur les colonnes de Buren. Et c'est l'avantage de ces loges-là. Elles sont plus petites, mais moi, je préfère parce que je suis au calme. On entend juste les enfants qui jouent dans la cour. Sur les colonnes et puis c'est tout quoi, mais c'est très calme en face du ministère. J'aime pas trop les bibelots, j'aime pas trop les choses. J'ai plutôt quelques livres et puis un petit matelas que je peux déplier pour dormir un quart d'heure si j'ai besoin de dormir un quart d'heure, un petit bureau, des crayons, une ou deux photos de ma fille, voilà, et puis c'est tout. Un parfum, c'est Chanel. C'est assez simple comme. Une eau de rose, des huiles essentielles, il y a des pinceaux, il y a des baumes, il y a des sprays, il y a des contours des yeux, des démaquillants, des eaux florales, des eaux minérales. Ouais, je suis un peu un dingue de produits. Et puis ce fameux catogan. Et puis là, il y a un truc étrange. C'est un truc que quand je faisais du sport, parce que j'ai fait une préparation physique pour un rôle, et en fait, c'est un espèce de booster qui est pas du tout bon pour la santé, que je prends des fois avant, parce que je fais des exercices, je mets ma serviette là et je fais des pompes, des trucs comme ça. Et des fois, je le prends quand je sors de 10%, parce que j'ai des fois même pas une heure de battement, donc je prends ce truc là qui est très mauvais pour la santé parce que c'est comme l'équivalent de je sais pas combien de café. Il y a je sais pas quoi, du in dedans, la taurine ou je sais pas quoi. Donc c'est pas du tout bon, mais bon, voilà. On est dans votre loge au théâtre de la Porte Saint-Martin. Vous jouez dans combien de temps? Là, je sais pas trop, dans 2 heures. 2h20. Mesdemoiselles et messieurs, fin de la répétition, merci. La journée type, c'est 8h, 12h, 13h, vous répétez, jusqu'à 17h sur scène, de 17 à 19, vous répétez en salle de répétition, et ensuite à 20h30, vous jouez des spectacles qui, quelquefois, font 2-3 heures, ou 3h30, et maximum, et puis il y en a 2 le samedi et 2 le dimanche ici. Donc vous voyez, c'est un peu... Et puis le soir même, il y a une voiture qui vient me chercher, qui m'emmène à Lille, donc on finit à 23h, à 2h du matin je suis à Lille, puis à 8h je tourne quoi, puis je reprends le train à 16h, puis je rejoue le soir. Bon enfin c'est des vies un peu... Moi j'aime bien, ça me plaît. Hein. J'aime ça. Oh bon, on est en burn-out permanent nous ici, vous savez, donc on s'en sert. Il peut y avoir des gens qui se... qui... qui, quand ils rentrent dans cette maison, c'est un peu le couvent ici, hein, vous savez. Vous êtes là 7 jours sur 7 parfois. Ça peut arriver. Dans tous les points, Burrus, malgré ses injustices, c'est ma mère. Je veux ignorer ses caprices. Mais je ne prétends plus ignorer. Judith Emla, vous avez eu la vocation d'être actrice, je crois. Vous étiez au collège, au lycée, vous êtes ensuite passé par le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et vous êtes entré à la Comédie Française comme pensionnaire. Oui, j'y ai passé un an et demi et j'ai adoré y être. Mais c'est mon petit bébé qui est à côté de moi. Mais oui, j'ai adoré y être. C'est vraiment comme un rêve. Hein. C'est un peu... On a un confort extraordinaire, on a des costumes merveilleux, tout est fait sur mesure, il y a notre nom sur chaque chose, enfin on est très très bien accueillis, quoi, on se sent assez important quand même. On travaille énormément, j'ai joué 5 pièces en un an et demi. J'avais pas vraiment le projet d'y rester, c'était très... gratifiant pour moi parce que Muriel Mayette m'a appelé le jour d'après ma sortie du conservatoire. Donc c'était assez galvanisant entre guillemets. Ouais, ça soulève. Je vais la poser un peu plus loin. Je fais une petite pause, ça vous dérange pas? Excusez-moi. J'ai toujours eu peur de me calcifier, quoi, de ne faire qu'avec ce que j'avais et de faire mon job, quoi, d'en arriver à faire ce que j'avais à faire, puis sans plus me poser de questions. Je sentais qu'il fallait rechercher, il fallait... Et donc, vous restez un an et demi pensionnaire. Et quelle est l'occasion qui vous permet de partir? L'occasion, mais je pense que vraiment, c'était la bonne chose. C'est un refus de Muriel Mayette que je fasse un film. Il faut demander l'autorisation. Ouais, voilà, il faut demander l'autorisation. Ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que j'ai dit, j'ai ce film, et puis elle m'a dit, ma chérie, tu joues quand même 3 pièces à rentrer, ça va être compliqué, il va falloir choisir. Donc là, ça attaque un peu la liberté, ça me fait grincer un peu. Je dis, écoute, j'ai réfléchi, je crois que j'ai parti. Elle me dit, non, mais on peut s'arranger. Bon, j'ai senti que j'aurais pu essayer de tout concilier, mais que c'était pas mon... J'avais pas envie de ménager la chèvre, le chou, le truc, J'avais envie de faire des choix un peu plus radicaux. Au théâtre, au cinéma, chantant, vous essayez de vous nourrir. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses dans mon petit jardin là qu'on a envie de pousser et que je leur donne un peu d'air, un peu d'espace. Je fais du vide là. Là, je suis en processus de vide. Non, je dis beaucoup non à des projets très beaux et tout. Mais ouais, j'ai l'impression que j'ai le luxe d'avoir le choix quand même. Même si, je veux dire, Hollywood ne m'arrache pas mes habits. J'ai quand même le choix. Demain, vous partez? Au Mans. On va jouer au Mans. Après, vous allez où? Après, on va à Besançon. Ah non, on y va. On fait le tour de la France. À Nîmes. À Cergy-Pontoise. Voilà. À Chambéry. au Havre, à Lille, vous voyez, à Bastia, et on finit à Bastia. En contemplant ses traits sur le visage de mon fils, il m'a semblé reculer de 23 ans et je me suis revue sans autre chose dans ma petite casaque de velours vert avec ma nague mouchetée pour qu'elle ne morde pas son être et ne s'avère comme toujours les ornements trop dangereuses. Comment alors j'étais pareil, m'a-t-il semblé à cette hippie, à cette cosse encore verte, à ce gentilhomme, mon honnête ami? Êtes-vous à ma avalée n'importe j'aime, quoi J'aime énormément cette phase-là. La phase de la mémorisation. J'adore ça, j'adore ce moment-là. Je suis chez moi, Seigneur, il est toute mon occupation, ma joie. L'italienne, c'est quand on se dit tout le texte pour exercer la mémoire. Je n'arrête pas de faire des italiennes. Oui, chez moi, en marchant dans la forêt. de préférence en marchant. Là, j'en ai fait une en venant vous voir. Oui. Absolument. Savoir est ce que dit Jouvet sur cet apprentissage du texte, sur la nécessité de faire entrer le texte dans les tissus. Bon. Il n'y a pas un acteur qui a la même notion de l'italienne qu'un autre. Jean-Pierre Vincent disait, on ne prend pas de temps, on enchaîne les répliques, on ne met aucune intonation, mais on, même dans la vélocité, on prend le temps, et c'est un drôle d'entraînement, hein, c'est formidable, on prend le temps de visiter les intentions. Et l'allemande, pour vérifier, je sais pas, les lumières, là, et on... la même chose, mais dans l'espace. Comme si on faisait une chorégraphie accélérée. C'est assez beau à voir, d'ailleurs. Ouais. Ça fortifie, ça continue de muscler la mémoire des voix des autres aussi. Des surprises, toujours. Et moi, quand je monte sur scène, il y a un côté sacré, et je suis pas croyant, je suis athée. Mais ma croyance, ma foi, c'est la foi théâtrale, je dirais. Donc je monte d'une certaine façon en scène. Je monte en scène comme certains montraient en chair. Aussi loin que je me souvienne, je voulais pas faire d'autres métiers puisque j'ai voulu être comédienne quand j'avais 9 ans. Ça s'est imposé quoi, comme une évidence dès les premiers mots, les premiers pas sur le plateau. J'étais toute seule, j'étais la seule élève, c'était le début de l'année. Ces cours de théâtre qui s'appelaient des cours de déclamation venaient de s'ouvrir. Et oui, une évidence quoi. Parfait. Alors attention tout le monde. Sinon, 2 ans avant, enfin dans ma petite enfance, peut-être 2 ans ou 3 ans avant, je voulais être carmélite. Mais c'est pas un métier. Et l'autre jour, je lisais qu'il y avait une phrase de... Je crois que c'est Pasolini qui parle de la religion comme ardeur. Et ça m'a frappée. Excusez-moi, j'ai pas quoi faire. Ce soir, vous jouez. Non, je ne joue pas ce soir, c'est pour ça que je suis détendu. Sinon, je vous aurais jamais reçu entre la répétition et la représentation. Ça aurait été impossible pour moi. C'est tellement anxiogène parfois que je me réveille. Et la première chose qui me vient à l'esprit au réveil, c'est est-ce que je joue ce soir ? Alors quand je dis ah, ce soir, je joue. Journée, danse, il va y avoir la répète et il y a la représentation. Et puis il y a des soirs où je joue pas. Alors je me réveille, je fais ah cool, je joue pas ce soir. Ouf, je joue pas ce soir. Mais en même temps, dommage, je joue pas ce soir. Vous voyez, il y a les deux. En tout cas, les journées sont pas les mêmes si vous jouez le soir ou quand vous ne jouez pas. Rien à voir. Pas du tout les mêmes énergies. Pas du tout pareil. Pas du tout pareil parce que moi je fais partie des gens qui ont le trac. Donc j'ai le trac dès le matin, moi. Dès le matin, je m'angoisse. J'espère que ça va être bien. Ça se ressent comment donc, Une angoisse permanente qui ne vous quitte plus jusqu'à ce que vous montiez en scène, qui vous quitte en montant en scène, et qui se termine dans une apothéose aux applaudissements. Waouh, c'est bon, je crois que ça a été bien. C'est fini pour aujourd'hui. Waouh, voilà. J'adore hein, le métier d'acteur, mais je suis autant. Autant inquiet qu'heureux de le faire, ce métier. Voilà. Ça ça m'apporte exactement la même inquiétude que ça m'apporte autant de joie que d'inquiétude, en fait. C'est à peu près équivalent. Il y a même des soirs où c'est même l'équivalence n'est pas vraiment équilibrée. C'est-à-dire que je suis plus dans l'anxiété que dans la joie de jouer. Moi, j'ai des petits trucs. Par exemple, je mange un petit bout de papier. Faudrait peut-être pas, parce que je sais pas ce qu'il y a dans le papier. En plus, il y a tellement de trucs toxiques dans les papiers. Je sais pas. Je prends un papier de ma brochure. Si vous voyez mes brochures, elles sont toutes... Vous avez la brochure, c'est le la brochure du texte. Il y a plein d'endroits du texte qui sont un petit peu arrachés. Je prends un petit bout de papier. Un petit bout de papier. Je le mâche et je le crache. Un peu comme on chic. Vous savez, au 19e, on chiquait du tabac. Moi, je chic du texte un peu. Quand on voit une petite boule de papier par terre, on dit c'est Stoker qui est passé par là. On crache des petites boules de papier. Une superstition, peut-être. Un rituel, avant de penser. Oui, et puis c'est pour avoir aussi de la salive. Il y en a qui prennent un grain de sel. Ça fait un peu de salive, et puis hop, on monte en scène. Faut monter sur ça. On reparle de monter. Faut y aller, quoi. Ouais. Faut y aller. Faut y aller parce que. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans la journée? Vous êtes arrivé. De tourner, de répéter, de... Vous pouvez perdre un être cher, c'est pas pour ça que vous n'allez pas monter sur scène. Même si j'ai 42 fièvres, je monte sur scène. Je suis pas dans mon lit, je vais sur scène. Et là, voilà quoi. Ça vous est arrivé? M'est arrivé d'avoir, un problème médical où j'avais une perfusion le matin et le soir, une perfusion le matin chez moi. Par un infirmier qui venait, puis au théâtre le soir, et puis j'avais un cathéter en permanence. Puis j'ai joué comme ça pendant 3 semaines. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez, quand vous êtes sur un plateau de cinéma? En général, grand bonheur. Toute la durée du tournage, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et d'excitation. Sur un plateau de tournage, c'est toujours un vecteur d'excitation. C'est comme si je vivais plus. C'est comme si... Plus intensément. Plus intensément, plus. Comme si j'étais plus vivante que le reste du temps. Agathe Bonitzer. Et souvent, j'ai envie que ça s'arrête jamais. Même si c'est fatigant, même si parfois c'est inconfortable, même si c'est dur. Même si j'ai aussi beaucoup de doutes de moi-même en tant qu'actrice et que parfois j'ai des remords ou des regrets ou que j'ai envie de retourner des trucs et tout ça. Allez. De manière générale, c'est quand même beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de joie et d'excitation. Et puis on se répète, Paola tiendra la porte pour celle-ci. Oui, on fait une répète pour nous à la une mécanique. Techniciens, okay. Les gens qui s'occupent de tout ce qui est autour du tournage, qui gèrent le tournage, donc la régie. Donc tout ça se met en. Là, tout le monde bosse chacun de son côté, et puis à un moment, les choses se rassemblent et on commence la première séquence avec le premier clap. Donc c'est action, moteur, coupé. Les choses s'enchaînent comme ça, donc on fait séquence par séquence, plan par plan, et ça débite toute la journée. Bam, bam, bam. Allez, on change de plan, hop, toute la journée, c'est ça. Et tout le monde court après la montre, sur toute une journée, jusqu'à la fin de journée, fin de journée, tout le monde est content, et tout le monde rentre à la maison, jusqu'au lendemain matin. Donc c'est une espèce de truc, c'est une course... Alors c'est un peu comme un truc d'équilibriste, en fait, un tournage. C'est une espèce de course qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 semaines, ça dépend du film. Et où tout tient en équilibre, voilà, et le moindre pépin peut foutre tout en l'air, et des fois ça tient pas à grand chose, et souvent c'est le réalisateur qui veut changer de décor, c'est la pluie, c'est le soleil qui s'en va, c'est les nuages quand on est dehors, c'est un acteur qui est en retard, c'est la caméra qui marche plus, c'est des problèmes techniques, donc c'est la course, chaque jour coûte très cher, donc il ne faut pas perdre de temps. Donc c'est une espèce de grosse machine, voilà, qui ne peut pas s'arrêter. On le voit tout le temps, donc voilà. Oui. Alors. Rentrer chez soi et dire, c'est fou, la bobine c'est dévidée et j'ai parlé. J'ai entendu sa voix, j'ai entendu ma voix, et je me suis dit, tiens, j'ai envie qu'on soit vivants ensemble. Paola, tu récupères la porte. Super. En fait, devant la caméra, maintenant, plus ça va, plus ça m'endort. C'est-à-dire qu'avant, j'étais stressée. Et là, je me dis où j'ai progressé comme acteur, c'est que ça me calme. Le moment du gros plan me calme. Quand on dit « Ah, on va se rapprocher, on va changer de focale, on va être plus près. » Et ce plus près-là m'apaise, bizarrement. Et bizarrement, quand je me sens pas filmée, je suis très tendue sur un tournage. Et au contraire, donc ça veut bien dire qu'il y a un lien qui est sourd, qui est secret, qui est presque... C'est pas du tout l'ordre, j'allais dire une grosse bêtise parce que je vois un miroir, c'est pas du tout l'ordre du miroir parce que je pense que c'est pas narcissique, mais c'est très profond. C'est très enveloppant. Très... ça appelle une grande... comme un lac en soi. Ça veut dire une joie fondamentale de... d'être ici et maintenant. Au départ, j'ai choisi ce métier pour exister, voilà. Éric Savin. Oui. Oui, parce que. Moi, je suis sorti de l'adolescence, un échec scolaire, donc je savais pas trop quoi foutre. J'avais ce petit truc dans la tête d'être comédien, mais enfin, donc je suis arrivé à Paris. Donc j'ai décidé de faire le pas et ça a mis du temps. Et à pousser la porte d'une école d'art dramatique. Et en fait, au premier cours de théâtre, je me suis dit, bon ben voilà, ça, j'ai compris, c'est ça. D'un seul coup, vous êtes le centre d'intérêt et vous parlez, on vous écoute. Et je pense que quand j'étais plus jeune, j'ai pas dû être beaucoup écouté. Par mes parents, notamment. Et après, les gens qui viennent vous voir après le cours, et pour la première fois de ma vie, tout d'un coup, il y avait une espèce de considération. Oh, c'était super, voilà. J'avais jamais eu, c'était super. Moi, c'était que de la merde, de la merde, de la merde. Donc, d'un seul coup, ça devenait... je ressuscitais, quoi. Voilà, et c'était vraiment une des plus belles années de ma vie. Vivant vraiment d'amour et d'eau fraîche et de théâtre. Parce que là, tout... Enfin... Là, c'est... Là, on est dans un film, quoi. On n'est plus dans la réalité du tout. C'était un peu ça. Et surtout, comme c'était l'endroit où je me sentais le mieux, et où tout d'un coup, je m'épanouissais complètement, donc en fait, ma vie ne m'intéressait pas vraiment. Le seul truc qui m'intéressait, c'est d'être sur scène. Il y a même des moments où j'étais... je me perdais complètement, quoi. C'est-à-dire, je ne sais plus qui j'étais. Voilà. Tout disparaissait et... plus rien à foutre du reste, quoi. Mais vraiment plus rien à foutre, c'est-à-dire aucune conscience des réalités, de la réalité de la vie. Voilà. Donc, et puis même moi, même ce que j'étais, c'est-à-dire que je me perdais un peu dans mes personnages, j'allais très très loin. Même quand ça s'est arrêté après la répétition ou après le spectacle, je continuais à vivre avec, j'étais habillé de la même façon, enfin voilà, je me faisais des films et tout, enfin vraiment, j'allais très très loin. Ce qui fait qu'il y a des moments, j'avais des impressions de perte d'identité. Quand est-ce que vos parents sont venus sur scène ou à l'écran pour la première fois ? En fait, la reconnaissance de mes parents, ça est venu avec la télévision. Tout d'un coup, la télévision, là, c'est, on rentre dans un autre monde. Donc, tout d'un coup, on devient une vedette au village. Enfin, voilà. Quelqu'un un peu exceptionnel, juste parce qu'on est passé à la télévision. Et donc, la reconnaissance de mes parents, elle arrive à ce moment-là. C'était bon. Je me rappelle, les premières fois que je suis passé à la télévision, j'ai fait à l'époque une grosse série pour la télévision, sur TF1. Voilà, c'est ça qui m'a rendu un peu connu, qui s'appelait Les Femmes de Loi. Tout d'un coup, là, vous descendez, enfin le lendemain de la première diffusion, vous descendez chez la boulangère, et tout d'un coup, la boulangère qui vous a jamais calculé une seconde, elle a un grand sourire, elle appelle ses copines, tout ça et tout, et vous devenez, et c'est presque si elle vous donne pas la baguette et trois croissants avec, en disant non mais c'est pour moi, laissez tomber. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'avantages. Après ça peut devenir chiant, mais il y a plein de trucs où tout d'un coup les choses s'arrangent, j'ai des problèmes, je demande à des gens, les choses s'arrangent très très vite, et ou quand je suis avec mes enfants, que les gens viennent me parler, tout ça c'est toujours un peu délicat parce qu'ils comprennent pas pourquoi on vient me parler, mais tu le connais, bah non je le connais pas, il m'a vu à la télé, pour eux c'est un truc un peu, c'est un peu comme si on vous vole quelqu'un en fait. Mmh. On vit augmenté quand on est plongé, quand on a la chance d'être plongé, d'avoir des propositions, de jouer. C'est fragilisant parce que, d'abord parce qu'on travaille pas tout le temps et qu'on ne sait pas quand on va travailler et qu'on vit un peu dans le désir de l'autre, même s'il faut essayer de pas, c'est quand même un peu le cas. Il faut essayer de pas. Essayer de pas être dans l'attente du désir d'autrui, parce que sinon on meurt, quoi. Enfin, c'est fragilisant parce que c'est vachement une question d'image, de comment, quelle image donner de soi, qu'est-ce que les gens perçoivent de moi. Enfin, surtout quand on travaille pas aussi, c'est qu'on est quand même beaucoup avec soi-même et c'est lourd. Enfin, donc après j'ai fait ça parce que vraiment j'aime ça et tout d'un coup c'est devenu ma vie et que je ne savais pas faire grand chose d'autre et je me suis beaucoup posé la question parce que ce métier sur la longueur est quand même compliqué, très compliqué même. Personne ne se plaint trop dans ce métier parce que tout le monde fait genre tout va bien, je vais bien, mais c'est quand même assez, c'est très très dur. Toujours faire envie, être dépendant de tout. Voilà, le rapport à la séduction, le rapport à tout ça. Et après, moi, je suis plus dans le travail en lui-même. Parce que souvent, moi, on me demande, mais qu'est-ce que tu as envie de jouer? Je sais pas, en fait. Parce que, en fait, on est dans le désir des autres. Donc, moi, j'ai envie de jouer ce que les gens projettent sur moi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est terrible parce que c'est pas très brillant, moi, je trouve. Mais même souvent, on me dit, mais qu'est-ce que tu as envie de jouer? Je sais pas, en fait. Je sais pas du tout. Par contre, tiens, tu veux pas jouer dans mon film? Je te propose le rôle. Bon, le mec, c'est un peu. Est-ce que ça t'intéresse? Je lis et je me dis, ah ouais, ça c'est intéressant. Voilà. Et tout d'un coup, le fait que ce mec se projette sur moi là-dessus, ça m'intéresse. À quel moment c'est compliqué pour vous? Ça a été compliqué parce qu'on a l'impression que vous avez. Ah, toujours, tout le temps. Mais j'ai joué tout le temps, mais ça a toujours été très compliqué. Parce que même quand on joue tout le temps, il y a toujours des moments où on se dit, ça s'arrête, il n'y a rien devant moi, puis personne ne m'appelle. On pense quoi à ce moment-là de soi, de la vie, de ce qu'on veut faire quelles émotions C'est bad trip, hein. Alors je suis nul, enfin tout. Puis avec le temps, moi j'ai réussi à me mettre à trouver des solutions pour pas tomber à chaque fois que le désir s'arrêtait. Parce que le désir s'arrête tout le temps. Hein. Donc là, tout s'arrête et on ne sert plus à rien. Donc c'est très difficile de. Enfin moi j'ai passé ma vie à essayer d'apprendre à me dire, enfin et à comprendre que je servais aussi à quelque chose sans ça. Mais j'ai bossé régulièrement, mais en même temps j'ai quand même ce manque ad vitam aeternam. C'est-à-dire que même il pourrait m'arriver des choses super, je serais encore en manque. Ou je pourrais avoir tous les plus beaux rôles de la terre, je crois que je serais encore en manque. Je sais pas. En manque de quelque chose de mieux. Voilà, ça n'a pas de fin, voilà, d'un truc encore plus beau, plus grand, plus. Le truc. Rôle de votre vie. Le rôle de votre vie, oui. Comme si ce rôle était toujours à venir. Ouais. Le rôle est toujours à venir. Donc on se dit toujours, il y a bien un truc qui va vous faire exploser. Comment êtes-vous devenue actrice ? Comment je suis devenue actrice ? Moi, je suis née dans une famille de cinéastes. Enfin, mes deux parents sont cinéastes, donc c'était un univers qui m'a toujours été familier, celui du cinéma. Et j'ai joué toute petite. J'ai été devant une caméra. Et j'aimais bien ça. Que vous disaient vos parents du métier d'acteur qu'ils connaissaient, eux, en tant que réalisateurs? Ils m'ont dit, mais tu veux pas plutôt écrire, tu veux pas plutôt faire comme nous. Mais non, moi j'avais envie de jouer. J'ai joué dans Les Sentiments de Noémie Lvovsky, qui était mon premier vrai rôle au cinéma, qui était un film pour lequel j'avais fait un casting très long. Enfin, j'avais été choisie, non pas parce que j'étais dans l'entourage d'amis de mes parents, mais parce que j'avais été choisie sur un casting, quoi. Donc tout d'un coup, j'avais une sorte de légitimité. Même si j'avais eu accès au casting, oui, parce que Noémie était aussi dans l'entourage de mes parents, mais je sais qu'elle m'avait choisie parmi d'autres enfants. Est-ce que c'est plus facile donc de faire carrière dans le cinéma quand on a des parents réalisateurs et quand on a cet entourage-là ? Oui, je pense que c'est, en tout cas, c'est plus facile d'accéder et de au réseau, parce que mine de rien, c'est quand même un réseau, le cinéma français. Bien sûr que ça m'a aidé plus que ça m'a desservi. Après, il y a aussi des inconvénients, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Paradoxalement, il y a une illégitimité aussi à se dire mais pourquoi c'est dégueulasse, moi c'est facile, si ça se trouve, une autre fille qui vient d'un autre milieu et qui galère pendant des années, elle a autant de valeur en tant qu'actrice que moi, et pourquoi moi, parce que c'était facile pour moi et pas elle, etc. Donc en fait, le problème, c'est que dans ce métier, c'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'on a toujours un sentiment d'imposture, qu'on soit justement fils et fille d'eux, comme c'est mon cas, ou que justement on vienne de nulle part, c'est-à-dire pas dans ce milieu-là. Quoi qu'il arrive, on a un espèce de sentiment d'illégitimité qu'on doit un peu vaincre, quoi. Donc voilà, et puis forcément, on me ramène toujours à mes parents. Et y a des fois où c'est chiant, c'est vrai. Quand quelqu'un va me voir en disant « Ah machin, tu connais la fille de machin ?» Enfin, parfois, je suis encore la fille de machin et à presque 30 ans, on a envie de dire « Mais j'ai un prénom, en fait. » Mais... And trying to move as quand vous rentrez chez vous après un rôle, après 10 jours de tournage, vous rentrez chez vous et vous reprenez votre vie normale. Non, maintenant, comme c'est toujours après ça dépend, mais quand je pars longtemps et puis que je rentre, si je rentre entre les deux, ça va. Mais si je pars longtemps, maintenant je me fais un jour ou deux de soupape parce que sinon je suis trop. Nina Meurice. Je suis pas sympa en fait. Parce que je rentre et puis j'ai vécu un truc tellement chouette que quand je rentre, je me dis « Oh là là, la maison c'est moins chouette que le tournage. » Donc je lui en veux alors qu'il y est pour rien. Et du coup lui, il a rien à faire. Il me regarde, il se dit « Merde, je peux pas... Je suis pas le tournage, je suis pas l'équipe technique. » Donc du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un jour tranquille en général. Comme ça, j'atterris un peu et puis après, je suis vraiment contente qu'on se retrouve. En plus, on est tellement tout seul dans ce métier. On dépend tellement du regard des autres en permanence que notre famille, nos copains, c'est des piliers qui peuvent pas fonctionner. Au moins, je dis ça, c'est très ingrat de dire ça, mais c'est pas vrai d'ailleurs. C'est mal dit ce que je viens de dire, mais je pense qu'on n'est pas facile tous les jours. Ça rend un peu hystérique ce métier. Non, mais en fait, on est vraiment, c'est un peu le grand 8, ça dépend des comédiens, mais moi, je vois que ça peut me faire vraiment des grands 8 où tout d'un coup, je suis sur un tournage, je peux complètement oublier que je suis en couple avec quelqu'un et que j'habite à Paris. Faut accepter d'être avec quelqu'un qui a dans sa vie un truc qui le remplit à tel point qu'il pourrait être tout seul presque. Oui, ça me remplit tellement ce métier que ça pourrait remplir tout mon réservoir. Quelle relation vous avez avec votre agent alors ? C'est une personne importante pour une comédienne ou un comédien, l'agent ? Ouais, hyper important. Moi, je suis chez Emmanuel Ramad et Grégory Veil. C'est des requins tous les deux, quoi. C'est l'agence adéquate ? Moi, je dis adéquate. Mais, par exemple, dans les négociations de contrat, c'est des requins, même si... c'est des requins, ils laissent rien passer, quoi. Vous gagnez jusqu'à combien sur un film ? Moi, le plus haut que j'ai gagné, c'est 1 400 euros en une journée. Mais moi, ça me paraît énorme déjà. C'est pas beaucoup, mais... Combien de jours de tournage? Ben, ça dépend. Oui, ça peut être 10 jours ou 20 jours ou plus que ça même. Mais moi, ça me paraît énorme déjà. J'ai quand même un confort de vie qui est très, très, très luxueux. En ce moment, vous êtes en tournage. Tournage de la saison 3 de cette série 10%, que beaucoup de gens connaissent, qui se passe dans le milieu des agents artistiques, des agents d'acteurs. Est-ce que la série est fidèle à ce que peut être votre agent ou à... Oui, c'est assez proche. Alors après, moi, avec mon agent, c'est beaucoup moins hystérique, notre rapport. Il y a sûrement des trafics avec la réalité pour pouvoir échapper au désastre, parce que c'est quand même un métier, celui que je fais. Très difficile, mais c'est, je ne m'en plains pas, mais très difficile parfois, parce qu'on est toujours... positionné, même si on ne le veut pas, on est en position, on est numéro 1, numéro 2 sur un film, numéro 6, numéro 8, on est même sur la fiche de service, c'est-à-dire qu'en face de notre nom, il y a un numéro selon le nombre de jours de tournage qu'on a, selon sa notoriété. Sur l'affiche. Sur l'affiche, sa grandeur, l'ordre d'apparition générique. Bon, tout ça, ce sont des choses qui peuvent obstruer un peu le rêve et la détente, mais en fait... Donc, mon agent, il est là pour me calmer sur certaines choses. Est-ce que c'est votre agent? Non, c'est... On a des angoisses qui ne nous appartiennent plus, au bout d'un moment. Et toi? Oui, très bien. Bien. Mathieu. Café, tout ça. Hésitez en gros, on se retrouve maintenant... Il y a l'agence UBA, UBBA, qui est une des agences d'acteurs les plus puissantes de Paris et qui vous représente. Comment se passe votre rencontre avec le cinéma ? Ma première rencontre, ça s'est fait avec le film Radio Star de Romain Lévy. Donc j'ai appris que j'étais prise pour jouer dans le film 2 jours après avoir appris que j'étais prise pour le conservatoire, donc c'était une période assez heureuse. Qu'est-ce qu'on ressent beaucoup de bonheur énormément de joie, mais j'étais serveuse à l'époque dans un café à Bastille, et le jour des résultats du conservatoire, je pouvais pas aller voir les résultats puisque je bossais, et donc j'avais envoyé mon frère et ma cousine. Et donc, c'est mon frère qui m'a annoncé la nouvelle. J'étais complètement hystérique dans le restaurant. Et après, 2 jours après, quand j'ai appris que j'étais prise pour le film Radio Star, je me souviens, j'avais vraiment une assiette. J'étais en train de servir et j'ai mon téléphone qui a sonné. Et j'ai reconnu le numéro et j'ai hurlé de joie. Je me disais, mais je suis bénie des dieux. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que pour moi, le théâtre, en tout cas la rencontre que j'ai eue avec ça, c'est il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du coup de foudre amoureux, en fait, des sensations physiques très fortes. Et donc, comme en amour, quoi, parfois ça se perd et puis ça se retrouve. Mais c'est vrai, quand ça se perd, c'est très compliqué parce que c'est on se sent sec. Mm-hmm. C'est ça. Mais après, ce qui est génial, c'est quand ça revient. Et quand ça revient, mais c'est comme faire l'amour, en fait. C'est quand ça revient, c'est... ça revient à fond. Non, mais c'est... je trouve qu'il y a vraiment, pour moi, quelque chose de... C'est... Ce qui est drôle, cet été, j'ai eu donc une panne. C'est-à-dire une panne. Plus envie de jouer, du tout. Plus envie d'être sur un plateau, et j'avais plus envie de jouer. Je trouvais ça pas marrant. J'avais pas envie d'être au milieu, ouais, et de devoir donner de soi et de d'interpréter quelque chose, et ça me faisait peur, et c'est comme une espèce de tétanie, quoi. C'est comme un vide. En fait, ouais, comme un vide, et puis dire, mais qu'est-ce que je. C'était dû à la fatigue, j'avais beaucoup travaillé avant et donc du coup j'étais un peu fatiguée. Donc après, donc on a terminé le projet, ça s'est bien terminé. Puis j'ai vu le film là récemment, il est très beau, très émouvant, donc c'est marrant. On se dit bon, ça se voit pas, c'est génial. On nous observe. Ouais, on nous observe. Et du coup... C'est ce jeune homme qui nous observe. C'est, bien sûr, c'est Mathieu Derrien, c'est l'attaché de presse avec qui je travaille depuis un an. Oui, Mathieu. Vous avez besoin de combien de temps encore? Oh, 10 minutes. On peut faire entre 5 et 10. Ouais, rapide, carrément. Parce qu'on a une autre interview. Ok, très bien. Okay. Cool. C'est des trucs que vous avez eu à César. Ça se passe comment? Ça produit quoi? Ça produit des rencontres, en fait, beaucoup, et des opportunités de travail. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et moi, ça a été vraiment... vraiment, ça a changé énormément de choses. C'est à toi. 7 sur 2 première. Tu peux l'éclairer. Merci. Clap. Merci. Action lumière. Ce métier est bizarre. Par exemple, mon premier baiser, je l'ai fait au cinéma dans une scène de viol. Action Félix. Bon, bah, c'est un peu bizarre quand même. Bonjour, Jacques. J'avais 10 ans et demi, Jérémy Régnier fait semblant de me violer. Bon, bah, c'était la première fois que j'embrassais un garçon. Bah, c'est très bizarre. La première fois qu'un garçon m'a touché les seins, c'était dans un court-métrage de Frédéric Mermoux, où Eric Ruff tombe amoureuse de sa babysitter et lui touche les seins. Bah, c'est très bizarre, en fait. Quand on y pense après, il y a quand même un truc où la fiction, elle est... Où la vie est traversée. Bah oui, il y a un moment où ça se mélange. Se font là. Ouais. Enfin, je dis ça, Je pense qu'il y a un moment qui est compliqué, par exemple, sur le film Complice, il y avait beaucoup de scènes de nudité. C'est un film de Frédéric Mermoux. De Frédéric Mermoux, ouais. C'est à Lyon, c'est ça, avec ses acteurs. Cyril Descours, ouais. Et Gilbert Melki et Emmanuel DeVos. Donc lui, c'est un jeune prostitué, c'est ça? Ouais, lui, il est prostitué. Moi, je suis amoureuse de lui. On a deux scènes ou trois scènes de passe. Bah, c'est sûr que j'avais 17 ans. Franchement, il y a une scène, par exemple, on est à trois autour du lit. Et après, le client m'emmène dans la salle de bain et je suis censée me mettre à genoux pour lui faire une fellation. Bon, bah, on est quand même nus tous. Je me faisais cette réflexion quand je tournais. Je me disais, c'est drôle parce que mon corps, il est sur le tournage en train de faire exactement ce qu'on m'a demandé et ce qui est réglé. Mais ma tête, elle incarne rien du tout. Il y avait vraiment un truc où j'avais complètement désinvesti ces moments-là. Moi, personnellement. Parce que je pense que c'était trop... c'est trop impensable quand on commence à se regarder, en fait, de faire ces scènes-là. Être un acteur, c'est vrai que c'est un vrai miroir de soi, de comment on voit le monde, de ce qu'on attend du monde, de ce qu'on a envie d'y faire. Les rôles souvent sont des miroirs aussi. Enfin, nous apporte des choses qu'on a envie de vivre ou des questions qu'on se pose ou nous font travailler les enjeux qu'il y a profondément dans nos vies. C'est un peu chamanique, c'est un peu magique. Voilà, c'est des destins qui se projettent dans l'éternité. C'est-à-dire qui meurent avec foi, avec joie. Donc ce qu'il y a de bien au théâtre, c'est qu'on peut croire, et puis la seconde après, on n'y croit plus. Mais on peut se permettre de croire des choses insensées, ou de croire qu'on vit une autre vie. Bon, ça, c'est fascinant. C'est tout pour du faux, mais c'est pour de vrai. Comédien, le plus beau métier du monde. Aujourd'hui, être acteur, quel bonheur. Avec Anne Alvaro, Laurence Stocker de la Comédie Française, Judith Chemla, Nina Meurice, Zita Enro, Nicolas Maury, Agathe Bonitzer, Éric Savin, Margot Abascal. Une série documentaire de Julien Thèves et Angélique Thibault. prise de son Laurent Lucas, mixage Manuel Couturier. Merci à Sigrid Alnois, à Stéphanie Girard, à Johnny Le Bigot, ainsi qu'à Marie Lozier et Etche Film. LSD, la série documentaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Et si vous voulez entrer en scène, bibliographie, lien, nous podcaster au théâtre ou nous réécouter en tournée, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram pour voir dans la radio. Demain, troisième étape, dans le désir de l'autre.